Tu te prends pour un narcomètre, un vendeur à la sauvette. J'enfile mon survêt et je m'en vais faire des pépettes. Je le répète, y'a pas de la bête, mes potos risquent d'être la mettre. D'un profond, ils veulent défendre. D'un profond, ils veulent tes fonds, capable de douter foncé. Je vends ta cachette, ça t'a crossé, avec ta bouche, t'as tout craché. L'endroit où tu coffrais, ce coffre on s'est refait. Y'avait moins qu'on pensait, mais c'est pas grave, on dépense tout. Et on repart sur un coup, coup sur coup. Abandonné, on s'arrête pas, même quand son pote te fait péter. Pendant que les cons défaitent sa porte, tout dans le 16, il pète une porte. Il a jamais toqué, comme jamais baissé son froid. Beaucoup, beaucoup de mauvais souvenirs avec la propre. Les mondes doivent tous les coqs, et le PJ fait le perroquet. Pendant que la diarra est plus, la reine que bouc à ses frères. Fumer, je vais t'avoir comme le mulet. Abandonnero, ça reconnaît du renvoi. Abandonnero, la désirée du bateau. Abandonnero, je te traduis, c'est dire bandit. Abandonnero, ça reconnaît du renvoi. Abandonnero, la désirée du bateau. Abandonnero, je te traduis, c'est dire bandit. Un bandit, ça balance pas, qui t'a niqué un bout de sa vie. Il en est peut-être pas ravi, mais ça marche comme ça dans le navire. Si tu veux pas que le four chavire, gros fait péré, qu'à te dire une bandero, qu'est-ce la vie dans. Il a moitié à la vie, à la mort, c'est refait. Il est impar face à sa mère, il est pas fort. C'est bien la seule qui donne des ordres. Tu frimes, il fout le désordre. Il est connu d'aucune tête. Toujours oui, un tête à tête. Grand max, une tête dure comme Ben Diros, une valeur sûre. Il sait où investir son business, il fait fleurir. Sa vie pas trop en haute couture. Il pense beaucoup au futur, futuriste et réaliste. Les bâtards et les raids de la liste. Plus étonné que les Schmitt le pisse. Il a jamais eu de piston, maintenant il écoule des litres. En vacances, les pieds à l'air. Chaque jour, il dépense son salaire. Mais l'affaire, elle est salée. Sur son chemin, il en a tué. Abandonné, l'eau s'arrête pas. Pourtant, la valeur attrape pas. Abandonné, ça reconnaît du renvoi. Abandonné, la désirée du bateau. Abandonné, je te traduis, c'est dire bandit. Abandonné, ça reconnaît du renvoi. Abandonné, la désirée du bateau. Abandonné, je te traduis, c'est dire bandit. Bandit c'est Bendejo, histoire de Bédo, histoire de Coco. Il adore jouer au con, mais c'est pas un con coqué. Les coqs les cherchent, il est partout, mais depuis longtemps il est parti. J'en dis pas plus, un qui cogite. Un clin d'œil pour la PJ, je les repars à eux, je suis trop pareil. Va te soco, c'est la moitié, c'est mon compte de vrai. Je compte sur personne, et perso je leur pisse dessus. De toute façon la squad c'est un bandit, non t'es mytho qui font marrer. Dans la vraie, je suis l'avocat, j'ai tout vu mais j'avoue pas. Abandonnero, si on reconnaît du renvoi. Abandonnero, l'un des îles du bateau. Abandonnero.